بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطبة d'aujourd'hui traite de la révélation du prophète صلى الله عليه وسلم. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la religion de la justice. Il l'a envoyé clémence pour les humains. Et il les a guidés sur la bonne voie par ses paroles et ses faits et gestes. Nous louons Allah pour la grâce de l'islam et de la foi. Nous lui demandons pardon et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, Allah Seigneur des univers. Et nous témoignons que notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur de ses nobles messagers. Ô Allah, nous invoquons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Serviteur d'Allah, votre voici a une grande importance et un grand intérêt. C'est en ce mois que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est né et 40 ans après a reçu la révélation. C'est le mois de sa naissance et de son envoi par Allah comme son messager. Il l'a envoyé en sauveur pour nous sortir de l'obscurité à la lumière et de la déviance pour nous mettre sur la bonne voie. Allah a raison quand il dit « Et nous ne t'avons envoyé que clémence pour les univers. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une clémence offerte pour toute l'humanité. Son message est indistinctement destiné aux humains, aux diables et aux nobles anges. Il est le messager de tous les messagers. Allah l'a élu et s'est adressé à lui en ces termes. Ô prophète, nous t'avons envoyé témoin, porteur de bonnes nouvelles, prévenant et appelant à Allah avec sa permission. Et il lui a encore dit, proclame à haute voix ce qui t'a été ordonné et tourne le dos aux associateurs. La révélation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par des visions vraies lors de son sommeil. Chaque fois qu'il a une vision, elle se réalise. Puis, il a commencé à aimer la solitude. Alors il s'isolait dans la grotte de Hira pour prier loin des gens. Il se préparait à l'obéissance et à la crainte d'Allah. Allah est tuteur de ceux qui le craignent. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, l'ange Gabriel est descendu avec le message divin pour lui, alors qu'il était en prière dans la grotte de Hira. L'ange Gabriel lui a ordonné de lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, non, parce qu'il ne savait pas lire. L'ange a insisté trois fois en le serrant très fort contre sa poitrine et en lui disant « Lis au nom de ton Dieu, celui qui a créé l'être humain d'une adhérence. » L'adhérence, c'est la halal. C'était ce que le Seigneur de l'univers a révélé au premier du Saint-Coran. Après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré chez lui auprès de sa femme Khadija, mère des croyants. Il lui a raconté ce qu'il a vécu avec l'ange Gabriel et il lui a demandé de le couvrir. 30 mois ou 3 ans plus tard, Allah lui a révélé son Al-Mudathir, celui qui est couvert, en lui disant « Ôte-toi le couvert d'un vêtement, lève-toi et préviens. » Il lui Il a été ordonné d'avertir les siens et ses proches. Par ordre de son Seigneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fidèlement transmis le message à tout le monde. Il a conseillé sa nation et il l'a invité à l'islam pour la sauver de l'ignorance et de la barbarie. Il lui a déconseillé de vénérer les statues et il a lutté contre les mécréants. Le premier homme qui a cru en lui est Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, son intime compagnon. La première femme qui a cru en lui est sa femme Khadija radhiyallahu anha. Et le premier enfant qui a cru en lui est Ali ibn Abi Talib. Le premier notable qui a cru en lui est Zayd ibn Harith. Le premier esclave qui a cru en lui est Bilal. Il en était ainsi jusqu'à ce que la victoire d'Allah et son aide sont arrivées et que les gens sont entrés massivement dans la religion d'Allah par vagues, par milliers et par millions. Alors glorifions cette grâce de Dieu pour laquelle nous ne le remercierons jamais assez. Craignons notre Seigneur, ne changeons pas sa grâce par la négligence. Obéissons à Allah et à son prophète, et ne désobéissons à aucun de leurs ordres. Celui qui désobéit à Allah et à son messager et dépasse ses limites, il le fait entrer en enfer pour l'éternité et il aura un grand châtiment. D'après Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 5 m'ont été donnés. Elles n'ont été données à aucun prophète avant moi. J'ai été victorieux par la peur qu'Allah a semée dans le cœur des mécréants. 2. La terre a été faite mosquée propre pour moi. Alors n'importe quel homme de ma nation qui est rattrapé par l'heure de la prière, qu'il prie, c'est-à-dire là où il est. 3. Le butin de guerre à l'aliment. Illicite pour moi. Il ne l'a été pour personne avant moi. 4. Avant moi, le prophète était envoyé uniquement à son peuple, alors que moi, j'ai été envoyé à l'ensemble de l'humanité. 5. Et il m'a été donné la grâce de l'intercession, la grâce d'intercéder auprès d'Allah pour obtenir le pardon, c'est-à-dire demander le pardon d'Allah, demander à Allah de pardonner aux musulmans. Rapporté par le Bukhari dans son livre. Et d'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis celui qui sera le plus suivi le jour de la résurrection, et je suis le premier qui frappera à la porte du paradis. Rapporté par Muslim. Et d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le premier pour qui la terre s'ouvrira, je serai habillé en habit du paradis, puis je me tiendrai à la droite du trône, aucune créature à part moi ne s'y tiendra. Rapporté par Tabari, wa salatu wa salam ala rasulillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله.